sans obélie bête culte, un peu comme une insulte sauvage, sans espoir de voyage, unir entre le ciel et l'eau. Ce serait là, face à la mer immense, là, sans espoir d'espérance, tout seul face à ma destinée, plus seul qu'au cœur d'une forêt. Ce serait là, dans ma propre défaite, toute seule sans espoir de conquête, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté. Comme une cible d'or tranquille, comme un enfant qui dort fidèle à en mourir pour elle, cruelle à force d'être belle, unie, unie. Comme un enfant qui dort. Ce serait là, face à la mer immense, là pour venger mes vengeances, toute seule avec mes souvenirs. Plus seule qu'au moment de mourir, ce serait là, au cœur de Sainte-Hélène, sans joie, sans amour, mais sans haine. Que je saurai enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Unis entre le ciel et l'eau, entre le ciel et l'eau. Unis sans homme ni bateau, un peu comme une insulte sauvage, sans espoir de voyage, une île, cette île.